Exercice 13, page 141. Éric Montrésor a 19 ans. Il étudie la chimie environnementale. Il veut changer le monde. Ma gracieuse Annick, 18 ans, étudie le travail social. Elle désire aider tous ceux qui ont des difficultés.